jomba na lolo leye ikanita na figi inuma ale mana mana kuma le fe antigi ye ala leye nikademi sani ye manguru subona celle qu'il porte de très beaux fruits n'allez pas leur dire que je suis le meilleur vous inquiétez pas ils le savent déjà c'est le mystère BBP l'artiste du peuple yeah. Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa au son de sa guitare et les chants de maman qui bercent mes nuits. Plus tard je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Tout ce que je touche devient un hit. Oh, oh, oh. La cité m'a épousé, moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé. Une seule personne. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas le genre, je ne suis pas la tendance. Mais je crée le premier, les autres copient, c'est ça la différence. J'en ben en lolo leye, ikanita na figi inuma. Ale mana mana kuma le fe, antigi ye ala leye. Nikademi se niye manguru subona, c'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Oh, Adekaletan, c'est la Mister BBP, nouvelle vibes. Yeah, yeah. Je chante pour tous mes fans, je porte chacun de vous dans mon cœur. Jusqu'à la mort, on sera ensemble. Deuxième wagon des gens, ils auront toujours des choses à redire. N'écoute pas et fonce le mort. Mon ami avance, cela arrive quand on sait ça. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu peux être le boss, si matin et soir tu bosses. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. La machine BBP on the track, j'ai reconnu le style. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je ne cherche pas à être numéro un. Les numéro un, je les fabrique. Moi, je n'ai pas le temps de tout le temps parler, sauter dans tous les sens. On ne lapide que l'arbre qui porte des fruits, alors faut les comprendre. Don't ben en lolo le yeah. Ikanita na figi inuma. Ale mana mana kuma le fe. Antigi ye ala leye. Ikademi se niye manguru subona. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, il le sait sa joie. J'en ben en lolo le yeah. Ikanita na figi inuma. Ale mana mana kuma le fe. Antigi ye ala leye. Ikademi se niye manguru subona. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Triumph Production.